Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même connaître, ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Sixième épisode. Le juge d'instance est l'équivalent pour la justice du médecin de quartier. Loyers impayés, expulsions, saisies sur salaire, tutelle des personnes handicapées ou vieillissantes, litiges portant sur des sommes inférieures à 10 000 euros. Pour qui a fréquenté les assises ou même la correctionnelle, le moins qu'on puisse dire est que l'instance offre un spectacle ingrat. Tout y est petit, les torts, les réparations, les enjeux. La misère est bien là, mais elle n'a pas tourné à la délinquance. On patauge dans la glu du quotidien. On a affaire à des gens qui se débattent dans des difficultés à la fois médiocres et insurmontables. À cette forme du malheur social, Étienne n'avait été préparé ni par la vie, ni par ses études. La seule fois où un de ses professeurs à l'ENM avait parlé de droit de la consommation, c'était avec un dédain ironique, comme d'un droit à destination des imbéciles, des gens qui signent des contrats sans les lire et qu'il est démagogique de vouloir assister. Le fondement du droit civil, apprend-on dans les manuels, c'est le contrat. Et le fondement du contrat, c'est l'autonomie de la volonté et l'égalité des parties. Nul ne s'engage ou ne devrait s'engager contre son gré. Ceux qui le font n'ont qu'à en accepter les conséquences, ils seront plus prudents la prochaine fois. Étienne n'avait pas eu besoin de 8 ans dans le Pas-de-Calais pour apprendre que les hommes ne sont ni libres ni égaux. Il n'en restait pas moins attaché, sans quoi il n'aurait pas été juriste, à l'idée que les contrats doivent être respectés. Élevé dans un milieu bourgeois, il n'avait jamais connu de vraies difficultés d'argent. À Vienne, il a suffi de quelques semaines à Étienne pour découvrir qu'il vivait dans un monde où les gens croulent sous les dettes et ne s'en sortent pas. Quelquefois, rarement parce qu'il ne figurait pas sur les fichiers, Étienne trouvait dans sa boîte à lettres des publicités pour des établissements de crédit. « Puisez dans votre réserve d'argent à votre gré, » dit Sofinco. « Faites-vous plaisir dès aujourd'hui, » propose Finareff. « Besoin d'argent ? Rapidement ?» s'inquiète Cofidis. « C'est le moment d'en profiter, » assure Kofinoga. Il les jetait à la poubelle sans y prêter attention. Depuis qu'il voyait défiler à l'audience ceux qui les avaient signés, il considérait d'un autre œil ces imprimés. Il découvrait combien il est facile de persuader les pauvres que, même pauvres, ils peuvent s'acheter une machine à laver, une voiture, une console Nintendo pour les enfants, ou simplement de quoi manger, qu'ils rembourseront plus tard, et que ça ne leur coûtera, autant dire, rien de plus que s'ils réglaient comptant. Ces contrats-là se concluent en un clin d'œil. Il suffit de signer au bas de l'imprimé qui porte le nom d'offre préalable. C'est valable tout de suite, reconduit tacitement. On tire ce qu'on veut, quand on veut. Cela donne l'agréable impression d'être de l'argent gratuit. Cette agréable impression, le libellé des offres ne fait rien pour la dissiper. On ne parle pas d'emprunt, mais de réserve d'argent, pas de crédit, mais de facilité de paiement. On dit par exemple, vous avez besoin de 3 000 euros ? 3 000 euros pour 1 euro par mois, ça vous dirait ? Eh bien, chère madame, cela tombe bien, car en tant que fidèle cliente de notre magasin, de notre centre de vente par correspondance, vous nous avez été recommandée pour bénéficier d'une offre tout à fait exceptionnelle. Dès aujourd'hui, vous pouvez demander l'ouverture d'une réserve de crédit pouvant aller jusqu'à 3 000 euros. Le coût extrêmement élevé de ce crédit figure en tout petit caractère au verso de l'offre. On en prend connaissance ou pas? Le plus souvent, pas. De toute manière, on signe. Parce que c'est le seul moyen, quand on n'a pas d'argent, de s'acheter ce dont on a besoin. Ou d'ailleurs pas toujours besoin, mais envie. Simplement envie. Car même quand on est pauvre, on a des envies. C'est ça le drame. Le propre de ce genre de crédit est de se cumuler. On se retrouve comme un rien avec une dizaine de ces cartes. Fatalement, arrivent les incidents de paiement. On ne peut plus faire face. L'organisme de crédit intente une action en justice. Il demande le recouvrement des sommes dues, plus celui des intérêts prévus par le contrat, plus celui des pénalités de retard, également prévues par le contrat. Et cela fait beaucoup plus qu'on avait imaginé. Un procès cette année-là a fait grand bruit. Il s'agissait d'un couple qui gagnait 2600 euros par mois, lui comme ouvrier, elle comme aide-soignante. Ils ont voulu se suicider et tuer leurs 5 enfants parce qu'au bout de 12 ans de vie à crédit, avec 6 comptes en banque, 21 crédits revolving, 15 cartes magnétiques et 250 000 euros de dette, leurs créanciers se sont retournés. Les relances de recouvrement ont succédé aux offres engageantes et tout le monde leur tombant dessus. En même temps, il est devenu impossible de basculer un crédit sur un autre, d'ouvrir une nouvelle ligne permettant de temporiser. Le jeu n'était plus jouable, c'était fini. Une dernière carte, pas encore refusée, a servi à acheter des vêtements neufs pour que les enfants arrivent correctement vêtus dans l'autre monde, que leur père se représentait avec une sinistre candeur comme le même mais sans les dettes. Le suicide collectif a échoué, une des filles seulement a succombé. Aux assises, le père a pris 15 ans et la mère 10. Cette affaire a ému toute la France. Elle est pathétique, me dit Étienne, mais pas vraiment exemplaire, car les quartiers usaient du crédit avec insouciance et pour vivre au-dessus de leurs moyens. Les sociologues définissent ce profil comme celui du surendetté actif, que la crise a rendu minoritaire par rapport au surendetté passif. À celui-ci, on ne peut pas faire grief de consommer avec excès et d'user sans discernement du crédit, tout simplement parce qu'il est pauvre, très pauvre, et qu'il n'a d'autre choix qu'emprunter pour remplir son caddie de paquets de nouilles. C'est le hérémiste de plus de 50 ans, ou la femme seule avec des enfants, au chômage, sans qualification, sans autre perspective, dans le meilleur des cas, que de trouver un emploi à temps partiel, précaire et mal payé, avec l'effet pervers classique que travailler, si elle y arrive, sera finalement moins avantageux pour elle que vivoter des aides à quoi elle peut prétendre. Ceux-là n'ont que des dettes et rien pour les payer. Leur dossier se retrouve en pile sur le bureau du juge d'instance. Les audiences de surendettement, au contraire des audiences civiles, ne se déroulent pas dans la grande salle du tribunal, mais dans une petite pièce baptisée bibliothèque, parce que quelques codes traînent sur une étagère et sans aucun décorum. Elle n'était pas présidée par Étienne Rigal, qui n'est plus aujourd'hui à l'instance, mais par un juge nommé Jean-Pierre Rieux, qui avait précédé Juliette à son poste et qui, après sa mort, a été chargé d'assurer son intérim. La situation comporte peu de variantes. Des gens ont déposé un dossier à la commission de surendettement. Il se peut que leur dossier ait été déclaré irrecevable et qu'ils contestent cette décision. Il se peut qu'il ait été déclaré recevable, que la commission ait établi un plan de remboursement et qu'un ou plusieurs créanciers contestent ce plan qui diminue ou même annule leur créance. Il se peut, enfin, que le plan soit validé par le juge sans autre forme de procès. Entrez, madame, je vous en prie. Asseyez-vous. 45 ans, obèse, boudiné dans un jogging vert et mauve, les cheveux courts plaqués sur le front et de grosses lunettes fantaisie à motif fluo, madame A n'emmène visiblement pas large. Vous travaillez en ce moment ? Oui, je suis assistante. Jean-Pierre, en l'interrogeant, fait tout pour la rassurer. Il est cordial, bonhomme. Il dit « Bon, on va voir ce qu'on peut faire. » Vous avez des enfants ? Et rien que son ton indique qu'on va pouvoir faire quelque chose. Madame A gagne 950 euros par mois comme assistante hospitalière. Elle a 2 enfants de 6 à 4 ans à sa charge. Elle touche les allocations familiales et l'aide personnalisée au logement. Mais comme elle travaille, cette aide a baissé. et ne couvre désormais qu'un tiers de son loyer. Sa situation est devenue critique quand elle a divorcé 3 ans plus tôt, car toutes les charges se sont multipliées par 2. Quand Jean-Pierre lui demande si elle a une voiture, elle sent que c'est une question dangereuse, parce qu'une voiture, c'est un bien qu'on peut saisir. Et elle s'empresse d'expliquer qu'elle en a absolument besoin pour se rendre à son travail. Non, mais je vous rassure, il n'est pas du tout question de toucher à votre voiture. Et elle a quel âge, votre voiture ? 10 ans. Bon, pardon de vous le dire, mais elle ne vaut rien. Vous avez des frais de garde ? Oui, à vous, Madame A. Comme si c'était honteux. Sur la base de toutes ces informations, la commission a calculé, selon un barème prévu par le Code du travail, la part de ses revenus qui peut être affectée au remboursement de ses dettes, 57 euros par mois. Les dettes en question, entre les impôts, l'OPAC de Vienne qui lui loue son appartement, le Crédit Municipal de Lyon et les établissements de crédit France Finance et Cofinoga, s'élèvent à 8 675 euros. La commission a fait son calcul. Elle peut, en 10 ans, rembourser au maximum 6 840 euros. Reste 1 835 euros qu'elle propose d'effacer. Le problème est de savoir qui va en subir les conséquences. Le fisc doit être payé en priorité, c'est la loi. Arrive juste derrière l'OPAC de Vienne, créancier à vocation sociale qu'on n'a pas intérêt à ruiner. Donc, ceux qui vont passer à l'as, c'est le Crédit Municipal, France Finance et Cofinoga. À tous les trois, la commission a communiqué cette proposition. 2 n'ont pas réagi, ce qui veut dire qu'ils consentent. France Finance, en revanche, conteste. Et Madame A s'en inquiète beaucoup, parce qu'ils lui ont envoyé une lettre très dure, en lui disant qu'elle ne veut pas payer alors qu'ils savent très bien qu'en fait elle peut. Vous avez la lettre ? Oui. Madame A fouille en niflant dans la pochette plastifiée qu'elle a posée sur la table devant elle en arrivant et à laquelle elle n'a cessé de s'accrocher comme à une bouée. Elle tend la lettre à Jean-Pierre, qui la parcourt. Est-ce que des gens sont venus voir vos voisins, vous ont téléphoné sur votre lieu de travail ? Oui. D'accord. Ils me harcèlent tous les jours. Ah. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je vais rendre ma décision dans 2 mois, c'est la règle. Mais je préfère vous le dire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre la proposition de la commission. Cela veut dire que je vais effacer votre dette chez France Finance et qu'ils n'auront pas le droit de vous envoyer de lettres, ni de vous appeler à votre travail, ni d'en parler à vos voisins. S'ils le font, c'est eux qui violent la loi. Et vous pouvez venir me voir. Bon, maintenant, de votre côté, vous avez 57 euros par mois à payer au fisc et à l'OPAC. Oui. Et ça, il faut absolument les payer. Tous les mois. Tant que vous le faites, tant que vous respectez scrupuleusement votre plan, vous n'aurez pas d'ennui. L'autre chose, c'est que vous ne devez pas faire de nouveaux emprunts. Aucun. Vous avez compris ? Oui. Celle-là, commande Jean-Pierre une fois qu'elle a refermé la porte. Merci, monsieur. C'est sûr qu'elle fera tout ce qu'elle pourra. Je ne dis pas qu'elle y arrivera, parce qu'avec 950 euros par mois, 2 gamins à charge, le litre d'essence à 10 balles alors que tu as besoin de ta bagnole pour aller au boulot, le loyer qui monte et l'aide au logement qui baisse, il me faut rigoler ceux qui disent qu'un plan de surendettement c'est trop facile. On vous efface vos dettes et basta. Mais c'est une vie d'enfer. On ne fait plus que payer pendant 10 ans. Il n'y a pas d'épargne possible, pas de crédit possible, pas de consommation de confort. Et c'est calculé tellement juste qu'on n'a pas le droit à l'erreur. La moindre dépense imprévue devient un désastre. Sur le dossier de Monsieur et Madame L, il y a une bonne vingtaine de créanciers. Banques, bailleurs, établissements de crédit, mais aussi garagistes, petits commerçants. Ils ont une ardoise partout, et même si aucune somme n'est très élevée, l'addition est lourde. La trentaine, tous les deux, ils sont séparés depuis peu, mais restent solidaires face à leurs créanciers. Avec des ressources réduites aux aides sociales, un endettement aussi massif et un espoir de « retour à meilleure fortune », selon l'expression juridique en vigueur, quasi nul, on se demande pourquoi on ne les a pas aiguillés vers la faillite civile, qui effacerait toutes leurs dettes, plutôt que vers la commission de surendettement qui ne peut pas aller jusque-là. Ils doivent près de 20 000 euros. On a évalué, Dieu seul sait comment, leur capacité de remboursement à 31 euros par mois. C'est assez pour établir un plan sur 120 mois, sans le moindre espoir qu'il soit respecté. Mais ils ne demandent pas plus. On voit bien qu'ils sont épuisés. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est une trêve. Quelques semaines à l'abri des sociétés de recouvrement qui, malgré leur évidente insolvabilité, leur sortent le grand jeu. Les papillons rouges bien visibles sur la boîte à lettres, la tournée des voisins qu'on informe obligeamment de leurs déboires, et même la visite aux enfants qu'on vient voir le mercredi après-midi en leur disant de passer le message à papa et maman. S'ils ne payent pas ce qu'ils doivent, on vous chassera de votre maison. Ils vous aiment, papa et maman. Ils ne veulent pas que vous dormiez dans la rue. Alors demandez-leur de payer ce qu'ils doivent. Peut-être que vous, leurs enfants, ils vous écouteront. J'ai l'air de faire du misérabilisme, mais c'est ainsi que cela se passe. Et le pire, ajoute Jean-Pierre, c'est que les types qui font ce métier de chien sont eux-mêmes de pauvres bougres. Ils en voient passer toutes les semaines en commission de surendettement. Quand on leur demande ce qu'ils font comme boulot, c'est ça. Ils bossent à temps partiel pour des boîtes de recouvrement. Et quand les bras lui en tombent, ils ne voient même pas pourquoi. En pure logique libérale, un propriétaire a parfaitement le droit de proposer à son locataire un bail au terme duquel il peut le chasser ou doubler son loyer quand ça lui chante, exiger qu'il éteigne la lumière à 7 heures du soir ou porte une chemise de nuit plutôt qu'un pyjama, du moment que le locataire a le droit symétrique de ne pas accepter ce bail, tout va bien. La loi, cependant, tient compte de la réalité et du fait que dans la réalité, les parties ne sont pas aussi libres et égales que dans la théorie libérale. L'un possède, l'autre demande. L'un a le choix, l'autre moins. C'est pourquoi les baux locatifs sont encadrés, et le crédit aussi bien. D'un côté, il faut l'encourager parce que cela fait marcher l'économie. De l'autre, il faut empêcher les gens de se faire trop avoir parce que cela dégrade la société. La loi Scrivener déclare ainsi abusive les clauses qui rendraient le contrat trop léonin et impose au prêteur, puisque c'est lui qui le rédige, un certain nombre d'exigences formelles. Modèle type, mention obligatoire, contrainte de lisibilité, bref, quelques règles visant à ce qu'au moins l'emprunteur sache à quoi il s'engage. Le problème avec la loi Scrivener, c'est que les établissements de crédit qu'elle est supposée encadrer ne la respectent pas et que les consommateurs qu'elle est supposée protéger ne la connaissent pas. Un juge d'instance, Philippe Flores, avait fait de son tribunal de Niort la pointe avancée de la protection du consommateur. Flores connaissait à fond la loi Scrivener et s'est mise en tête, seule dans son coin, de la faire respecter. Rien de plus, mais rien de moins. La plupart de ses confrères, en ouvrant un dossier du type Coffee Doga contre Madame Machin, se bornaient à constater, effectivement, Madame Machin ne paye plus les mensualités prévues par son contrat. Effectivement, et au terme de ce contrat, Coffee Doga est fondé à lui réclamer capital, intérêt et pénalité. Effectivement, Madame Machin n'a pas le sou, mais la loi est la loi. Les contrats sont les contrats. Et même si je trouve ça désolant, je n'ai pas d'autre choix, moi juge, que de prendre une décision exécutoire, c'est-à-dire faire saisir Madame Machin ou alors l'orienter vers la commission de surendettement. Philippe Flores, lui, regardait à peine ce que devait Madame Machin. Il allait tout droit au contrat. Il y relevait souvent des clauses abusives et presque toujours des irrégularités formelles. La loi exige par exemple qu'il soit composé en corps 8, et il ne l'était pas. Elle exige que sa reconduction soit proposée par lettre, et il n'en était pas question. Flores s'était fait un petit tableau des irrégularités les plus fréquentes. Il cochait les cases et à l'audience concluait « Le contrat ne vaut rien ». L'avocat de Coffee Doga ouvrait de grands yeux. S'il avait de la ressource, il disait « Monsieur le Président, ce n'est pas votre affaire. C'est à la partie défaillante de soulever ses objections, ou à son avocat. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à elle. » Faites appel, se contentait de répondre Flores. Philippe Flores, à Niort, était le pionnier de cette technique juridique. Étienne, à Vienne, n'a pas tardé à suivre sa trace. J'avais écrit « à l'égalé », mais Étienne, sur le manuscrit, a noté « quand même pas », dont acte. Il s'en donnait à cœur joie, à l'audience civile et surtout dans les audiences de surendettement, où sa passion de relever les irrégularités et de prononcer la déchéance des intérêts changeait radicalement la donne. D'abord, du point de vue du malheureux surendetté, ce n'est pas du tout pareil de lui dire « vous ne pouvez pas payer », votre situation est irrémédiablement compromise, alors je n'ai pas le choix, j'efface, et de lui dire « on vous a fait tort, je répare ce tort ». C'est beaucoup plus plaisant à entendre comme à prononcer, et Étienne ne boudait pas ce plaisir. Les avocats des banques et des établissements de crédit sortaient des audiences à la fois penauds et furieux, obligés d'expliquer à leurs clients que si on avait perdu, alors que dans ces cas-là, avant, on gagnait à tout coup, c'est parce qu'il y avait au tribunal de Vienne un emmerdeur, ce juge unijambiste, qui mesurait les caractères et disait que « désolé, ce n'est pas du corps 8, donc adieu intérêt et pénalité. Si le coup du corps 8 ne marchait pas, il soulevait un autre lièvre ». Aucun contrat ne trouvait grâce à ses yeux. Étienne a ressenti un frémissement de triomphe le jour où les représentants d'un gros établissement de crédit ont demandé à le rencontrer. Il leur a donné rendez-vous. La conversation a été courtoise et technique, entre gens de bonne compagnie. Il n'était pas venu développer des désaccords juridiques, plutôt demander des conseils. Comment ne plus prêter le flanc à ses contestations? Comment faire pour être dans les clous? C'est simple, a répondu Étienne, un peu étonné. Il y a une loi, respectez-la. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? La loi dit que le contrat doit être composé encore 8. Il ne l'est pratiquement jamais, et je ne me prive pas d'en profiter pour vous faire sauter vos intérêts. Dites-moi pourquoi, la connaissant, vous n'appliquez jamais cette règle. J'ai une idée, moi, de la réponse. C'est simplement parce que ça vous arrange que les contrats ne soient pas lisibles. Pourquoi est-ce que vous ne mentionnez le taux d'intérêt qu'en tout petit caractère, perdu au verso d'une pub tonitruante? Vous le savez bien, pourquoi? Parce qu'il est monstrueux, votre taux d'intérêt. 18, 19%, c'est supérieur au taux d'usure, et vous fourguez ça en douce à des gens qui, s'ils s'en rendaient compte, ne signeraient pas. Mais c'est là que vous vous trompez. Ils signent de toute façon parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous pouvez toujours dire, ce serait plus avantageux de contracter un prêt classique. Le problème de nos clients, c'est que des prêts classiques, on ne les leur accorde pas. Vous parlez sans arrêt d'informations. Un jour, vous dites que nous n'informons pas assez nos clients sur ce à quoi ils s'engagent, et le lendemain, que nous ne nous informons pas assez, nous, sur leur capacité de remboursement. Mais nos clients, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Pas des informations qui les dissuadent d'en emprunter. Et ce qu'on veut, nous, c'est gagner de l'argent en prêtant, pas recueillir des informations qui nous dissuadent de prêter. Nous ne faisons que notre métier. Vous faites, vous, simplement le procès de la publicité. C'est toujours comme ça, la publicité. On écrit en gros « acheter votre voiture pour 30 euros par mois », et puis il y a un astérisque, et en bas, en petit caractère qu'il faut regarder attentivement, c'est vrai, il y a des clauses qui font que ça coûte un peu plus de 30 euros par mois. Tout le monde sait ça. Les gens sont pas idiots. Mais vous, si je comprends bien, vous voudriez un monde sans publicité, sans crédit, peut-être aussi un monde sans télé, parce que c'est bien connu, la télé desservelle les gens. Bien sûr. D'ailleurs, je passe mes vacances en Corée du Nord. Non. Ça me va très bien, un monde où on a le droit de violer la loi. Mais je veux aussi, moi, juge, avoir le droit de la faire respecter. C'est ça le libéralisme, non? C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Frédéric Pierrot, Étienne, Claude Lévesque, le juge Jean-Pierre Rieux, Bénédicte Roy, Madame A, Olivier Martineau, le cadre de l'établissement de crédit. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Benjamin U. Réalisation, François Christophe. D'autres vies que la mienne est paru aux éditions POL.